إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس، مجالس العلم في مسجد السنة بروبي شمال فرنسا. إخوة كرام، اجتمعنا وإياهم للمذاكرة في العلم وما يتعلق بذلك، ونكمل القراءة من الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الثاني معرفة الدين الإسلام بالأدلة. بعد أن بين المؤلف في كتابه ما يتعلق بالواجب من العلم، après que l'auteur رحمه الله a expliqué donc ce qui est obligatoire à connaître dans la religion، وهي أربعة أمور. Quatre points ici. ما هي؟ Ces points sont. C'est une question. أول الكتاب. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، ما هي؟ الذي يعرف الفائدة. نعم. العلم قم أيوة. العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى. لما قال العلم قال ماذا؟ العلم معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة. بالأدلة إيش؟ الكتاب والسنة. قال عبارة هو بالأدلة، قال بالأدلة الشرعية، وهو واجب، والواجب تاركه يأثم وفاعله يؤجر. الأصل الثاني وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام هو ماذا قال؟ Donc le deuxième fondement est la connaissance de la religion de l'islam au moyen avec preuve. Par l'islam, c'est la soumission à Allah par l'unicité, la soujection en lui, obéissant et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. Donc le deuxième fondement est la connaissance de la religion de l'islam au moyen des preuves. والدين يعرف بالأدلة لا بالتقليد. La religion est à partir de preuves, pas à partir de suivi aveugle. تعلم. Il faut apprendre. تعرف كيف تعبد الله على بصيرة. Afin que tu saches comment adorer Allah avec clairvoyance. قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك واحد. Donc il a dit que c'était la soumission à Allah par l'unicité, la soujection en lui, obéissant et les deux aveux du polythéisme ainsi que de ses adeptes. Donc la connaissance de la religion de l'islam tourne autour de trois points. Le premier, c'est la soumission à Allah par l'unicité. فمن استسلم لله سلم أمره لله. Donc celui qui s'est soumis à Allah, donc il se soumet donc à Allah. فلا وربك لا يؤمنون. Non, par ton Seigneur, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge sur ce dont ils se sont disputés. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. Ils ne trouvent aucune gêne en eux sur ce dont tu as jugé. ويسلموا تسليما. Ils se soumettent d'une parfaite soumission. هذا هو الإسلام. Voici donc l'islam. الاستسلام. Donc la soumission. لله. pour Allah. لا لهواك. Pas pour tes passions. لا لرغبتك. Ni pour tes envies. لا لشهوتك. Ni pour tes passions, tes désirs. وهذا هو المسلم. Voici donc le musulman. فالمسلم مستسلم. Le musulman c'est celui qui se soumet. لله بالتوحيد. Pour, pas Allah à travers l'unicité. لا بالشرك. Pas par le polythéisme. فلا يحلف إلا بالله. Tu ne jures pas. ولا يستغيث إلا بالله. Ne demande secours que par Allah. ولا يصلي ولا يسجد إلا لله. Tu ne pries et te prosternes que par ولا يذبح إلا لله. Tu n'immoles que pour Allah. كله مستسلم لله. Tout cela est la soumission à Allah. والانقياد له بالطاعة. هذا الأمر الثاني. Et lui être obéissant dans l'adoration. فمنقاد لمولاه. Donc il est dévot envers son Seigneur. وليس منقاد لهواه. Et papa, il ne sera pas dévoué envers ses passions. النفوس تدعو. Les âmes, le fort intérieur. والشهوات والشبهات. Ainsi que les passions, les ambiguïtés. وتجد في ذلك أنس وراحة. Et tu trouves dans cela donc une paisibilité. راحة مؤقتة بعدها شقاء. Une quiétude qui est donc momentanée. Après cela, il y a donc une tristesse. وأما الاطمئنان الذي معه البقاء. Tandis que la quiétude. في مكان الخلد والرضا. Dans l'endroit donc de la continuité ainsi que l'agrément. فهو الانقياد بالطاعة. C'est le fait de se soumettre par l'adoration. فالمنقاد. Donc celui qui sera sauvé. قد استقاد لأمر الله. Donc il a en vérité donc celui qui en a été dévot par ce que Allah a ordonné. ولم تقوده نفسه. Et tu ne vas pas en vérité te sauver. أو شهوته. Donc par tes passions. أو أصحاب السوء أو صاحبات السوء. Donc les mauvais ou les mauvaises compagnons. أو هواه أو شيطان. Ainsi que ses passions ou شيطان. فالانقاد لشرع الله. Parce que celui qui se dévoue donc par la législation d'Allah. وانقاد لأمر الله. Ainsi qu'il se dévoue donc par les ordres d'Allah. هيا أيها المسلم. Ô croyant. اعلم. Sache. أن في انقيادك لله راحتك والشقاء كل الشقاء عندما والشقاء كل الشقاء عندما تنقاد لشهوتك والبراءة من الشرك وأهله. Donc le fait de se désavouer du shirk ainsi que de. هذا الأمر الثالث. C'est le troisième point. فأنت تتبرأ. Donc toi en vérité tu deviens. من الشرك. Tu te désavoues du shirk. ومن المشركين. Ainsi que des mouchelkins. لأنك تعبد رب العالمين. Car tu adores le Seigneur du monde. ألا يرضيك. Donc il ne faut pas que cela t'agrée. أن يكفر بالله. Pas que en vérité tu as vu que le voilà tu aimes les kafirs qu'on adore c'est à dire qu'on a qu'on les mushrikin bi rabb al alamin mais croient en Allah ليس لهم في قلبك حب الدين donc il ne faut pas que ليس لهم في قلبك حب الدين il n'y a pas en eux donc dans ton cœur l'amour de la religion لأنك car عبد لله tu es un serviteur d'Allah أحببت عباد الله tu aimes les serviteurs d'Allah وأحببت من يحبه الله tu aimes ce que Allah aime وأبغضت من يبغضه الله tu détestes ce que Allah déteste وهذا أوثق عرى الإيمان c'est la hanse la plus solide de la foi الحب في الله l'amour pour Allah والبغض في الله le fait de détester pour Allah هذا هو الإسلام voici donc l'islam إذا أردت أن تبين لشخص ما معنى الإسلام si tu veux montrer à quelqu'un quel est le sens de l'islam قل له هو الاستسلام لله بالتوحيد je lui dis que c'est la soumission à Allah par l'unicité وقد ذكرنا لكم في المجلس السابق أنواع التوحيد et on a vu auparavant donc les trois types d'unicité والانقياد بالطاعة et la dévotion par l'adoration والبراءة l'obéissance ainsi que le fait de se désavouer إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام قال كفرنا بكم Donc a dit, nous avons mis en vous. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Il y a entre nous et vous donc le bardin donc une animosité pour toujours jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. حَتَّى أي إلى غاية أن. Jusque donc c'est un but. تؤمنوا بالله وحده. jusque ce que vous croyez en Allah seul. هنا يتبين لك Donc ici, tu es montré clairement صحة الاعتقاد le vrai dogme وحقيقة التسليم لرب العالم et aussi donc, la vraie soumission au Seigneur des mondes. نعم تبارك وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة إنها أركان. Donc de plus, la religion comporte trois degrés, à savoir l'islam, l'iman et l'ihsan, et chacun de ces degrés est bâti sur des piliers. Al-Islam yanqasim ila khamsat arkan. Donc il y a dans l'islam cinq piliers. Wa hiya qui sont In arkan al-islam khamsatun شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم رمضان والحج البيت وحج بيت الله حرام. Donc les piliers de l'islam sont au nombre de cinq. L'attestation qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah et que Mohammed est son envoyé, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et effectuer le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Tous les piliers de l'islam ici sont des actes apparents. La shahada, l'attestation, est une parole, donc les gens entendent de toi. La prière, donc c'est aussi une œuvre qui est voyante, les gens la voient. La zakat aussi. الصيام, le jeûne. Le hajj. كلها أعمال ظاهرة بيذكر الآن أدلتها. Ce sont tous des actes donc apparents. فالدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. La preuve au sujet de l'attestation réside dans la parole d'Allah. Allah atteste ainsi que les anges et ceux qui possèdent la science qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité et point d'être adoré à part lui, le puissant, le sage. Donc Allah a annoncé qu'il n'y a nulle divinité à part lui. Seul sans associé. Et cette attestation, la ilaha illallah, a des conditions. Les savants les ont rassemblés dans leurs paroles. Une science, يقين, certitude, وإخلاص, une sincérité, وصدقك, et ta vérité, محبة, avec une amour, un amour, وانقياد, ainsi qu'une dévotion, والقبول لها, et l'acceptation. علم بلا إله إلا الله ينافي الجهالة. Donc la science de la ilaha illallah renie et rejette donc l'ignorance. ويقين ينافي الشك. Ainsi que l'incertitude rejette et renie le doute. Et la sincérité repousse l'associationnisme. Et le fait de dire cela est véridique, donc repousse et renie le fait de dire que cela est un mensonge. Et l'amour donc, rejette aussi ce qui est le fait de détester cela. Et la dévotion et l'acceptation donc, rejettent le fait de rejeter la chose et de renier le rejet de cette chose-là. Donc le fait de rejeter. Le fait de délaisser et de rejeter. Donc il délaisse. بعدم القبول. Qui ne met pas en application. ويرده. Il rejette. رد ينافي القبول. Donc ce rejet renie. Donc renie en vérité. هذه شروط لا إله إلا الله. Ce sont donc les conditions de la ilaha illallah. والشهادة نعم اللي بعدها. قرأت الشهادة. ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس في شريك له شريك في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله وتفسيرها تعالى وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عنق في عقبه لعلهم يرجعون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا أشهدوا بأننا مسلمون ودليل الشهادة أن محمدا رسول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Donc, l'exégèse de cette attestation réside dans la parole d'Allah. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils, ainsi que le verset suivant dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien nous associer, que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis il tourne d'autres, dites, soyez témoins de nous, nous nous sommes soumis. La preuve du sujet de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah réside dans la parole d'Allah. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude envers vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Le sens de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah est obéir à ses commandements, attester de la véracité de ses informations, des informations dont il nous fait part, s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimé et n'adorer Allah qu'au moyen de ce qu'il a légiféré. La ma'boud bihaq illa Allah. Yani, al-ma'boudat kathira, lakin kullaha bibatil. Alladhi 'ubida bihaq huwa Allah. Nul adoré en toute vérité sauf Allah. Il y a énormément donc d'adorés qui ne sont pas en réalité, mais celle qui est donc réelle, c'est Allah. شهادة أن محمد رسول الله لوازمها أربعة. L'attestation de Mohammed رسول الله, on y retrouve ici quatre points. طاعته أولا تصديقه فيما أخبر. Donc le reconnaître comme véridique sur ce qu'il a dit. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم nous a annoncé d'énormément de choses. أشياء مضت. Choses qui sont passées. وأشياء هو فيها. Des choses donc, de l'actualité et des choses qui vont advenir. Tout cela par le biais de la révélation. Nous croyons en cela. Et il ne parle pas de sa propre passion, mais c'est une révélation qui a été révélée. Voici donc le fait de croire, de le rendre véridique. Si quelqu'un nous dit, si quelqu'un dit, donc mon raisonnement n'accepte pas, ne comprend pas réellement donc ce hadith. Est-ce que nous adorons Allah à travers ton raisonnement à toi? Non. Nous adorons Allah à travers la législation. Mais ton raisonnement, c'est un miskin. Toi, tu ne sais pas. Donc tu es encore petit. Même si tu as 60 ans. Car tu es petit dans la compréhension. Donc ton cerveau en réalité comprend ce qu'il a entendu. Tandis que ce que tu n'as pas entendu et que tu n'as pas vu, donc il ne peut pas comprendre cela. Est-ce que la personne ne croit que ce de ce qu'elle a vu? Donc il n'a pas cru aussi à son raisonnement, car sa raison, l'arc, il ne la voit pas. Les gens qui sont sots, يتجرؤون عن الكلام في الغيبيات. se permettre de parler sur ce qui est invisible. والوحي. et aussi de la révélation. أنت تؤمن بيوم القيامة. tu crois au jour dernier. ولكن لا تعرف. pourtant tu ne connais pas. يكفي هذا منك. cela suffit pour toi. أنت تؤمن بالجنة. tu crois au paradis. وتؤمن بالنار. tu crois au feu. أنت لم تراه. pourtant tu ne les as pas vus. يكفي هذا. cela te suffit. أما أن تقول لا لا مش ممكن. Mais que tu dises non, c'est pas possible. Tu as donc mécru. Car tu t'es donc détourné, tu as en vérité donc été en opposition. Sur quelque chose qu'Allah nous a montré. Et que le prophète nous a dit. Cela est authentique. Mais. Si tu te mets en opposition sur ma parole, فلان, ou la parole d'un tel ou un tel, المجردة, non, face à des avis qui sont, donc, qui sont dénués de textes, qui ne sont pas basés sur la charia, en ce moment-là, on va respecter ton avis. Tu as donc une compréhension qui est propre à toi, et on ne va pas se mêler de cela. Tandis que si ton raisonnement va commencer à parler sur des choses de l'invisible, qui est basé à partir du Coran et de la Sunna, alors ça, c'est pour montrer que tu n'as pas de comportement avec Allah, ainsi que son envoyé. Donc il faut que tu connaisses, il faut que tu te connaisses, il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu donc, saches qui tu es. Et sache que qui tu sais qui tu es, non. La parole d'Allah, ainsi que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation qui est importante. Donc le fait de le rendre véridique sur ce qu'il m'a annoncé, et celui qui ne le croit pas, même s'il dit Mohammed Rasulullah, il ne l'a pas dit avec vérité. C'est juste une parole prononcée. Deuxièmement, lui obéir sur ce qu'il a ordonné, sur ce qu'il a annoncé. Sur ce qu'il a ordonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné des choses. Troisième point, c'est d'éviter de s'écarter ce qu'il a interdit et réprimé. Il nous a interdit donc ce qui est interdit. Et la meilleure, donc le bien est dans ce qu'il nous a ordonné et on le met en pratique. Et le mal est sur ce dont il nous a interdit et on s'en écarte. وبقدر ما يكون من امتثالك وانتهائك عما أمرت به ونهيت بقدر ما يكون قربك واتباعك من رسول الله. Selon le degré de ton obéissance et le fait de t'écarter de ce qui est mauvais, de ton obéissance de ce qui est bien, donc tu seras aussi, donc cela sera, c'est-à-dire en concordance avec le fait d'être proche ou d'être loin de ton suivi. وبقدر ما يكون من مخالفتك et selon aussi donc le fait que tu sois وعدم اتباعك et par le fait de ne pas suivre بقدر ما يكون تخلفك عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم. Plus tu seras comme ça, plus donc tu seras loin. فهل تريد أن تكون قريبا من رسول الله؟ Veux-tu être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam؟ اتبع suis sa sunna. قل إن كنتم تحبون الله. Dis si réellement vous aimez Allah. فاتبعوني يحببكم الله. Suivez-moi, Allah vous aimera. Allah vous aimera. Aimera. يعني فاللهم إنا نسألك محبتك لنا. On demande à Allah. Oh Allah, yani. On te demande ton amour envers nous. إنه ولي ذلك والقادر عليه. Car c'est lui donc l'allié de cela, il est capable de cela. وين كمان؟ مسحت الرقم؟ لا. اتصل في الحاوي في الأخر 19. نعم. حبيبي ممكن تقوم؟ أنت هو الشباب هنا؟ والله شوي هنا؟ حبيبي. ايوه الشباب شوي احسنت. ايوه نعم اقرا. والثالثه ان لا يعبد الله. الرابعه ان لا يعبد الله الا بما شرع. Quatrième point, que l'on adore alors que par ce qu'il a été légiféré. Donc celui qui s'ablutionne comme je le fais. N'y a-t-il donc une nouvelle ablution? Un nouvel type d'ablution? لو قال انا اتوضا يدي واغسل بطني واغسل جنبي واغسل فخذي واصلي. Si quelqu'un dit je donc je lave mes mains, donc ma poitrine, mes hanches et donc mes cuisses, comment je fais? هذا نظف بعض اعضائه. هذا قد نظف بعض اعضائه. Il a donc lavé certains de ses membres. لكن هل هذه الطريقه؟ Est-ce que c'est la manière de faire? فعلها رسول الله. Que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait. Donc on ne le fait pas. Dans le prêche à Allah, une personne vient avec une façon de faire précise. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, on ne le fait pas. Car la da'wa, donc on est obligé d'y retrouver donc la sincérité ainsi que le suivi. Dit, celle-ci est ma voix, j'appelle à Allah. C'est un appel, c'est une sincérité. Avec clairvoyance, nos consciences. Moi, et ceux qui me suivent. Donc ce n'est pas comme tu veux. Par de nouvelles idées. De nouvelles expériences. C'est une adoration. Je vais donc m'ablutionner comme il s'est ablutionné. Je vais faire Allah comme il a appelé Allah. Je prie comme il prie. صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي. Priez comme vous m'avez vu prier. نحج كما يحج. On procède au pèlerinage. خذوا عني مناسككم. Prenez de moi mes rites. ليس هناك عبادات جديدة. Prenez de moi vos rites. Il n'y a pas d'adoration qui sont nouvelles. ولا صلاة جديدة. Ni de prières qui sont nouvelles. الأمر اكتمل. Donc tout a été complété. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما عندنا عبادات جديدة خلاص. Le jour où ce jour j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé pour vous vos grâces. الأمر ليس. J'ai accepté pour vous l'islam comme religion. الأمر ليس قابل للتطوير أو الزيادات. هذا دين قديم. Donc cette religion n'a pas d'acceptation pour quelque chose de nouveau ou de changement. Personne n'a d'ordre par Allah, sauf Allah. Donc sois droit comme il t'a été demandé, ordonné. Tout droit. Tout droit. Allah dit. Comme Allah. Comme Allah l'a demandé. Fastaqim kama umit. هذا الدين بأمر. قال تعالى في سورة البينة آية تدل على ذلك. Dans سورة البينة il y a un verset qui montre cela. وما أمروا من اللي أمرهم؟ الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. بس هذه الآية منهج كامل فيها الإخلاص، فيها الاتباع، فيها الاستقامة، فيها ترك المحدثات والبدع، فيها لزوم السنة، كل شيء موجود فيها. En lui vouant un culte pur dans la religion. Que d'adorer Allah. En lui vouant un culte pur dans la religion. Dans la religion. Et il s'accomplit la prière. De quelle façon s'accomplit la prière? Par le fait qu'ils ont été ordonnés. Et il s'accomplit la prière. ذلك دين القيمة. Voici donc la religion droite. نعم. ومعنى ودليل الصلاة والزكاة والتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. والدليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الصيام لسنا أول من أمر بالصيام لمن قبلنا صامت. Donc les peuples avant nous ont jeûné aussi. ولذلك مريم عليها السلام مريم عليه السلام قالت إني نذرت للرحمن صوما الله يكلم اليوم نسيا كان صيامهم عن الكلام هذه الشريعة الصيام معلوم أحكام. Donc le jeûne a ses règles qui sont connues. Après cela donc والدليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Et c'est à d'abord envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'effectuer le pèlerinage à la maison et qui quand ne croient pas Allah se passe largement des mondes. المرتبة الثانية الإيمان. لا كل العبادات اقرأ. خلاص طيب انتهينا من المرتبة الأولى أركان الإسلام كم؟ خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فشهادة لا إله إلا الله قائمة على شروطها سبعة وشهادة أن محمد رسول الله بلوازمها الأربعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. الصلاة مهمة جدا تأتي بعد العقيدة. La prière est très importante, elle vient après le dogme. ولذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Donc c'est pour ça que c'est le pacte qui est entre nous et c'est la prière. Celui qui délaisse la prière a donc mécru. فإياك إياك في ترك الصلاة. Donc attention à ceux qui délaissent la prière. المرتبة الثانية يعني بعد مرتبة الإسلام تأتي مرتبة الإيمان. نعم. Donc le deuxième degré après l'islam c'est l'iman. المرتبة الثانية الإيمان وهو بدع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. أركانه الستة كما في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا بأركانه الستة. نعم. Donc ici ce sont les six piliers. Donc la preuve le deuxième degré de la foi est l'iman qui présente un peu donc plus de 70 branches donc dont la plus élevée est le fait de dire il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah et la plus basse est dotée de la route un objet gênant et la pudeur est une branche de la foi. Ces piliers sont au nombre de 6 de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier de croire au destin qu'il soit favorable ou défavorable. على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. Donc la preuve concernant les six piliers réside dans la parole d'Allah. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et la preuve concernant le destin réside dans la parole d'Allah. Nous avons créé toutes choses avec mesure. Ça, c'est en ce qui concerne la foi. Donc, généralement, sinon, vous avez sûrement remarqué que ces piliers donc, ont à voir avec ce qui est dans le cœur. De croire en Allah. Sa seigneurie. Sa divinité. Ses noms et ses attributs. Que tu crois aux anges. De façon générale. De façon détaillée lorsque c'est mieux. Donc des serviteurs nobles. Allah les a créés donc. Ils font ce qu'Allah leur a ordonné. Et ils ne désobéissent pas à Allah. Et ils sont délégués de faire les actes. Et وهناك ملك الموت ainsi que l'ange de la mort. ومنهم موكل بالجنة والنار. Certains donc sont délégués pour le paradis et l'enfer. ومنهم موكل بنفخ. Certains sont donc الروح إلى الجنة. Donc les âmes dans ومنهم حفظة. Et ceux qui protègent. ومنهم كرام كاتبين. Donc ceux qui notent, les nobles qui notent. على ما أتى في التفصيل نؤمن به. Donc nous croyons en détail ce qui. وعلى ما أتى في الإجمال نؤمن به. Nous croyons en général ce qui est en général. Et nous croyons aussi aux envoyés d'Allah, ses prophètes. 25 parmi eux ont été mentionnés dans le Coran. Et donc, Ulul Azmi parmi eux sont au nombre de 5. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad, alayhim as-salatu was-salam ajma'in. Ainsi que Muhammad, alayhim as-salatu was-salam. عليهم الصلاة والسلام أجمعين. Tous ensemble, عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. Et pour notre envoyé donc le meilleur des saluts. ونؤمن بالكتب. Et nous croyons aux livres. أن الله أنزل على أنبيائه كتب. Allah a envoyé sur ses envoyés sur ses prophètes des livres. ذكر منها صحف إبراهيم. Et il y est mentionné donc les feuilles d'Ibrahim. على داود. Le Zabur sur Daoud. والتوراة على موسى. La Torah sur Moussa. وعلى عيسى الإنجيل. Et sur Isa l'Évangile. وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. Et sur le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم le Coran. منها ما ذهب والباقي منها محرف. Donc certains livres sont partis, certains ont été altérés. إلا القرآن قد حفظه الله. Sauf le Coran, Allah l'a protégé. نؤمن باليوم الآخر. Nous croyons au jour dernier. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا وأحصاه الله ونسوه. Donc le jour Allah va tous les faire ressusciter et il va leur dire ce qu'ils ont fait. الله على كل شيء شهيد. Et Allah est témoin de toutes choses. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. Et donc nous allons faire revivre le mort et nous allons écrire. يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين. Le jour où Allah va rassembler les premiers ainsi que les derniers. ويحييهم الله أجمعين. Et Allah va tous les faire ressusciter. ونؤمن بالقدر خيره وشره. Et nous croyons au destin qu'il soit bon ou mauvais. حلوه ومره. Qu'il soit donc sucré ou amer. رضينا بما قضى الله لنا. Et de ce que Allah a décidé pour nous. ونسأله أن يدفع عنا شر ما قضى. On demande qu'Allah donc repousse ce que le mauvais destin pour nous. Voici donc notre croyance. Et nous pensons que la foi. Donc nous croyons que la foi est parole. Acte fait avec notre intelligence. Et aussi donc conviction. Intérieur. Cette foi monte par la grâce ou par l'obéissance. Et diminue par la désobéissance. Cela est clair donc face à ce hadith. نعيد الحديث. الحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم. Le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم a dit. الإيمان بضع وسبعون درجة. La foi a entre 60 donc 73 79 degrés. بضع وسبعون شعبة. Donc 63 entre 73 et 79 donc partie. دل أن فيه أعلى وزيادة. C'est une preuve qu'il y a donc une augmentation. Parole. C'est une preuve qu'il y a donc la parole. Donc le fait de dire la ilaha illallah, la plus basse est. Pour montrer qu'il y a quelque chose de plus bas. Le fait de retirer ce qui gêne de la route. Donc ça c'est un acte des membres. Et la pudeur. شعبة من الإيمان. C'est une partie de la foi. والحياء أمر قلبي. Alors que la pudeur c'est quelque chose qui est. فدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. Cela prouve que la foi est parole, acte et croyance. ويزيد وينقص. Elle monte, elle augmente et diminue. جمعت في قول الناظم. Elle a été rassemblée dans une poésie. إيماننا. Notre foi. قول وفعل ونية. Donc parole et acte et intention. Elle augmente par la crainte et elle descend par. Donc elle descend parce que elle diminue parce qu'il est mauvais. Voici donc la foi. Et par ce dogme. Donc le Jahmiya. والمرجئة. Non. Ainsi que les Murji'a. وجميع من تكلموا في الإيمان كالقرآنية وغيرها والماتريدية والأشعرية وغيرها من الطوائف التي انحرفت في معنى الإيمان والخوارج كذلك والمرجئة كذلك هذا هو الاعتقاد الصحيح هذا فيما يتعلق في أركانه ستة Donc ça c'est selon les six. Voyez le sous. C'est six piliers. Si la personne croit en cinq piliers, alors qu'il ne croit pas au sixième, il a donc mécru. Il doit obligatoirement croire en tout cela. Amana bi khams. Donc il a cru en cinq. ولكن في الرسل لم يؤمن برسول من الرسل. Mais parmi par exemple dans le chapitre des envoyés, عنده خلل بواحدة. Il a un problème face à un seul envoyé. Il a cru en tous les envoyés, mais il n'a pas cru en Isa, il a donc mécru. Il n'est pas musulman, il n'est pas considéré comme musulman. Même s'il dit que Mohammed est l'envoyé d'Allah. Et il dit que Isa n'est pas envoyé. Donc sa foi ne lui est pas profitable. Il sera obligatoire pour lui qu'il croit, de croire en tous les envoyés. Dans le verset que Chir mentionné, donc à la fin de Sourate Al-Baqara, donc Chir mentionné cela, il dit qu'il a le tafsir, donc l'explication de toute la foi. Troisième, donc le degré. المرتبة الثالثة الإحسان أركانه وله ركن واحد كما في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى والتوكل على العزيز على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم إذن هذا بيان الإحسان. Donc le troisième degré est la bienfaisance, l'ihsan. ما ذكر شيخنا رحمه الله في الكتاب. Tu n'as ما ذكر شيخنا رحمه الله في الكتاب. الإحسان قيل لو قيل فيه ركنين لا بأس. Chir dit donc s'il y a deux piliers, il y a pas de mal en cela. المراقبة والمشاهدة. Donc le fait que comme si donc on sait qu'Allah nous voit. أن تعبد الله كأنك تراه. Donc d'adorer Allah comme si tu le voyais. Si tu ne vois pas, sache que lui te voit. Le fort intérieur doit avoir cela. Nous demandons protection contre cela. Contre le mal. Nous demandons protection auprès d'Allah contre le mal. Contre le fort intérieur. Car la foi donc baisse. Et la personne donc va vers le haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le voleur ne vole pas au moment où il vole alors qu'il est croyant. Le fornicateur ne fornique pas au moment où il fait la fornication alors qu'il est croyant. Donc la foi pour lui est comme une ombre. Et si elle revient, donc elle revient. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه في القرآن ولا تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليهم شهودا إذ تقيدون فيه تفيدون فيه tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran et vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprenez. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة عراة عالة رعاة الشه يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا قال يا عمر أتدري من السائل قل الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. Donc la preuve tirée de la Sunna est le célèbre hadith de l'ange Jibril. D'après Omar ibn Khattab, un jour, alors que nous étions assis auprès de l'envoyé d'Allah, se présenta un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit place face au prophète, il plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses et il dit « Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam ». L'envoyé d'Allah dit alors, l'islam consiste en ce que tu témoignes qu'il n'y ait pas d'autre divinité en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est son envoyé et que tu accomplis sa prière rituelle, verse la zakat et tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu effectues le pèlerinage à la maison d'Allah si tu en as les moyens. Son interlocuteur lui répondit, tu as du vrai et nous de nous étonner qu'il l'interroge puis ensuite l'approuver. Puis il reprit, informe-moi sur la foi. Le prophète répliqua, la foi consiste en ce que tu dois croire en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses prophètes, au jugement dernier. Tu dois croire encore au destin, qu'il te soit profitable ou défavorable. Donc favorable ou défavorable. L'homme dit encore, tu as dit vrai. Et il reprit, informe-moi sur la bienséance. Le prophète lui répondit, la bienséance consiste à adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne vois pas, certes lui te voit. L'homme lui dit encore, informe-moi sur l'heure du jugement dernier. Et le prophète lui répondit, sur l'heure du jugement, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. Là-dessus, l'homme lui dit, mais informe-moi sur ces signes précurseurs. Et le prophète lui dit, cela lorsque la servante engendrera sa maîtresse, et lorsque tu verras les 20 nu-pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les bergers qui se concurrençaient dans la construction des bâtisses de plus en plus hautes. Là-dessus, l'homme partit, je demeurai là un long moment, puis le prophète dit, oh Omar, sais-tu qui m'a interrogé? Non, répondis-je. Allah et son envoyé sont plus savants. Cet homme était l'ange Jibril. Il est venu vous enseigner votre religion. Donc c'est un hadith qui est énorme. Un grand hadith. Il comprend tous les types donc de la religion, toutes les catégories qu'on le retrouve dans la religion. Donc il dit que nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. اطلع علينا رجل شديد وبياض الثياب شديد وسواد الشعر ما يعرف منا احد. Donc il dit qu'une personne est venue avec donc des cheveux très noirs, les habits très blancs, personne d'entre nous le connaissait. غالبا جبريل اذا اتى ياتي على صوره دحية الكلب. De façon générale, Jibril alayhi salam, lorsqu'il venait, donc il prenait l'apparence de Dahil Kalbi. Cette fois-ci, il n'est pas venu par cette apparence. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne le connaissait pas. Donc il dit que jamais on ne l'avait montré, donc cette fois-ci. فلما لبثوا مليا يعني مدة من الزمن lorsqu'il soit resté un certain moment, علم رسول الله أن هذا جبريل. Le prophète صلى الله عليه وسلم a su que c'était Jibril. فأخبر عمر قال هل علمت من هذا الذي أتى؟ Il a prévenu Omar. Est-ce que tu sais qui est venu? Jibril. Ce qui est venu, c'est lui, Jibril. والرواية كلهم مستغربين. Et donc tout le monde était étonné. غريب. Donc il est inconnu. وليس عليه أثر السفر. Il n'a aucune trace de voyage en lui. ملابسه نظيفة مهيئة. Ses habits sont propres. أنتم لا تعرف الصحراء. Vous ne connaissez pas le désert. إيش هنا في المطر والأجواء الجيدة. هنا بالبوذي sous la pluie et le bon temps. الصحراء إذا تمشي فيها يتغير وجهك. Lorsque tu marches dans le désert, ton visage change. يتغير لباسك. Tes habits changent. تصبح شخص آخر. Tu deviens une autre personne. أول ما تأتي يعرفون هذا قادم من السفر. Dès que tu arrives, les gens, dès qu'ils te voient, ils savent que toi, tu es venu de voyage. ولا يعرفون ولا يرون عليه أثر السفر. Mais là, ils ne le connaissent pas alors qu'ils n'ont pas vu sur lui. Donc, ça a été rapporté dans des versions. Ils ont été étonnés. Donc, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont commencé par leur étonnement, par indiquer leur étonnement face à celui qui est venu poser la question. Et après, ils ont commencé à donc, expliquer les questions. Ils prêtent attention à ce qu'il fait. Même sa façon de s'asseoir. Il s'est assis à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a mis ses genoux près de ses genoux. Et les mains sur les cuisses. Donc c'est vraiment c'est une description qui est bien précise. Il a dit, oh envoyé d'Allah. Quel est l'islam ? Qu'est-ce que l'islam ? Donc c'est une grande question. Tous les compagnons écoutent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond. La réponse est terminée. Celui qui pose la question dit, alors que c'est Jibril, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne le sait pas. Donc celui qui pose la question dit, tu as dit vrai. Donc les compagnons sont étonnés. Donc ils sont étonnés. Ils sont étonnés car le questionnant en plus il lui dit que tu as dit vrai. Donc il connaît ça en réalité la réponse. Alors pourquoi il questionne ? On comprendra ça donc à la fin de la version. Lorsque le professeur a dit, donc voici Jibril qui est venu pour vous enseigner votre religion. Il y a un bénéfice en cela. Il est permis que la personne questionne. Donc le fait de poser sur des questions statutaires, alors qu'il connaît la réponse, donc le but est que les autres en profitent. Donc il a dit, donc nous avons expliqué les questions. Et il lui a dit, donc, quand est l'heure ? Quand vient l'heure ? L'heure. Donc sa connaissance. Donc parmi les sciences, donc parmi justement le ilm qui est de l'invisible, parmi les cinq, c'est le fait de connaître l'heure. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît l'heure. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Donc celui qui est questionné ne sait pas plus que celui qui questionne. Que cela veut dire ? Donc certains le comprennent de façon par erreur. Les gens donc le comprennent d'une façon erronée. Donc ne pose pas la question car toi et moi on le sait. Cela est une erreur. En vrai, le sens est. En vrai, le professeur. Lui répond donc ni toi ni moi vous savez. Donc ni toi et moi savons la réponse. Alors qu'il ne sait pas que c'est Jibril. Jibril, alayhi salam, la ya'lam. La ya'lam al-sa'il d'Allah. Jibril ne sait pas quand surviendra l'heure. Donc il a dit celui qui est questionné ne sait pas. Donc il lui pose la question sur ses signes. Sur ses signes. Donc les signes précurseurs, c'est ce qui vient donc avant la chose. Donc, c'est pour ça que lorsque l'émir sort, avant lui, donc sort les signes. Donc ça, ce sont les signes. ولذلك سميت الشرطة شرطة. C'est pour ça que la police on l'appelle شرطة. لأن الشرطة هي أشراط مقدمة من يأتي بعدهم. هذا ما نعرفه. C'est celui qui va venir avant, celui qui sera. إلى آخر الحديث. jusqu'à la fin du hadith. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Donc il a dit, voici Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. وهذا الدين عظيم. Donc c'est une grande religion. وهذا الحديث من فهمه وعلمه هذا شيء جيد جدا. Donc ce hadith, celui qui le connaît. وأوصيكم. Donc c'est un grand bien. لشرحين لهذا الحديث. Je conseille deux explications de ce hadith. هناك شرح مستقل شيخنا رحمه الله شيخ محمد بن صالح العثيمين. Donc il y a un شرح في كتاب رحمه الله. Vous avez petit livre. ابحثوا عنه ممتاز. Donc c'est un bon livre. نعم. وأظن هناك أيضا شرح للشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله. Il y a aussi un donc le شرح للشيخ عبد المحسن العباد. طيب. شامل. Vous pouvez profiter de cela. C'est complet. نعم. الأصل الثالث. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من عمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا نبئ بإقراء وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. Donc, le troisième fondement, c'est connaître votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son nom est Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abdel Muttalib, fils de Hashim. Hashim est issu de la tribu de Quraysh, qui est une tribu arabe. Les Arabes sont les descendants d'Ismaïl, fils de Abraham, l'ami privilégié d'Allah, qu'Allah le couvre. Lui est notre prophète des meilleurs éloges et les saluts. Il vécut 63 ans, donc 40 ans avant de devenir prophète, et 23 ans en tant que prophète et messager. Il fut investi de sa mission de prophète lorsqu'il reçut la révélation donc du verset Li, et il atteignit le statut de messager lorsqu'il reçut la révélation de la sourate Al-Mudaffir, sa ville natale et la Mecque, et il émigra vers Médine. Donc voici donc ta connaissance de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Tu le connais et tu le prends et tu le suis. في عقيدتك dans ton dogme في عبادتك ton adoration في اخلاقك ton comportement في معاملتك tes manières tes façons d'agir في سلوكك donc tes façons d'agir aussi ما تأتي بشيء جديد من عندك tu n'amènes pas quelque chose de nouveau وين قلت انا ادور الخير انا ابحث عن الخير même si tu dis je veux faire du bien je recherche le bien الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم le bien est dans le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم لو كان خيرا لسبقونا اليه S'il y avait du bien en cela, c'est eux qui auraient fait ça avant nous. Donc moi j'adore. Donc j'adore. Ce qu'il n'y avait pas comme religion donc, auparavant, il n'y a pas aussi maintenant comme religion. Car la religion est venue de la part de notre Seigneur des mondes. Voici donc la religion. Donc suivez ce qui a été ancien avant. Car cela vous suffit. Qui a dit ça? Ibn Mas'ud. Abdallah ibn Mas'ud. Donc il a dit, soyez donc... Donc qu'est-ce que l'atiq? L'atiq, c'est la religion. Donc celle qui est venue, qui s'est terminée comme cela. Donc ce jour-là, je vous ai complété pour vous. Et j'ai parachevé pour vous mes bienfaits. Complet. Il n'y a pas donc de moyen de ramener quelque chose de nouveau. Ou de rajouter quelque chose. Un rappel. Une façon de faire. Fête. Quelque chose de précis. Nous voulons du bien. Donc, suis le prophète, c'est ça le bien. Si tu ramènes quelque chose de nouveau, c'est comme si tu avais dit que je suis meilleur que les anciens, que les premiers. Je suis venu à quelque chose qu'ils ne sont pas venus avec. Comme si tu donc, dénigrais la religion. Alors que ce prophète généreux n'aurait pas complété cette religion. Et toi, tu es venu pour compléter ce qu'il n'a pas complété. Donc, que veux-tu par ton acte? Du bien. Le bien est par le suivi du prophète. Donc, toute chose nouvelle est innovation. لماذا بدعة؟ Pourquoi c'est une innovation? لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui innove dans notre religion alors que cela n'en fait pas partie est rejeté. عندك اجتهاد. Donc tu as des efforts. اتبع ولا تبتدع. Donc suis et n'innove pas. لا تأتي في جديد. N'amène pas de choses nouvelles. وإن كان قصدك خير. Même si dans ton origine il y a du bien. لا لا قال أنا في قصدك. Donc ça veut dire même si ton intention est bien, on n'a pas de nous, nous n'avons pas donc de lien avec ton intention. Ton Seigneur est pourtant dans ton cœur et pour ton Seigneur. Et tes actes, tu as été en contradiction avec ton prophète. Il a innové ou pas? Il a innové. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Il dit chaque innovation et donc chaque nouveauté est innovation. Donc de façon, donc c'est comme ça qu'il explique. Et il dit que chaque donc innovation est égarement par rapport au statut. Et chaque donc à chaque égarement est dans le feu. Donc c'est par rapport au dernier lieu. Donc cela. Donc le wasf ici, ainsi que son statut et sa demeure, sa dernière demeure. Donc c'est une innovation, c'est un égarement et c'est dans le feu. Ça fait. Que personne ne vienne dire, ceci est une bida. Donc cette bida n'est pas un mal. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit chaque innovation est égarement. Et lui il dit non, cette bid'a est bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit égarement. Et toi tu nous dis ce n'est pas un égarement. Donc on écoute qui? On suit qui? Il faut que quoi? Donc tu acceptes. Et tu dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, ne l'a pas fait. Et toi, en plus, tu rajoutes ici, donc tu dis que c'est une bid'a qui est bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit chaque bid'a est égarement. Et chaque égarement est en enfer. Et toi, tu dis que tout cela est du mal. Et toi, tu dis que c'est du bien. كلكم تعرفون البدعة. نعم. Donc vous connaissez la bid'a, l'innovation. فليس معرفتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. C'est pas notre connaissance envers le prophète صلى الله عليه وسلم. في ليلة واحدة. Qui sera faite en comme seule nuit. نحتفل بمولده. C'est-à-dire juste en une seule nuit, on fera donc on va fêter son anniversaire. حتى نعرف سيرته. Et jusqu'à ce qu'on connaisse en réalité donc sa sœur. Est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a fait pour lui-même? Non. Non. هل فعله الخلفاء والصحابة؟ Est-ce que les califes bien guidés ainsi que les compagnons l'ont fait? Non. Non. Est-ce que nous, on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nos compagnons? Là. Que les compagnons? Non. Est-ce qu'après eux, ils ont fait? Là. Non plus. Donc cette chose-là est venue plus de 400 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et toi tu es avec le prophète صلى الله عليه وسلم. منذ أن تصبح إلى أن. Du matin au soir. إذا أصبح العبد. Lorsque la personne donc se lève. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم. Qui se souvient la parole du prophète. اللهم بك أصبحنا. Donc il dit. وبك أمسينا. اللهم par toi nous sommes. وبك نحيا. Venu le matin. وبك نموت. Et donc. تذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم. Nous vivons et par toi nous mourons. Et il se souvient de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que s'il prie comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans son va, lorsqu'il revient chez lui, dehors, la nuit, le jour, en voyage, lorsqu'il est en cette chez lui, lorsqu'il mange, ses habits, lorsqu'il vend, lorsqu'il achète, son comportement, avec son épouse, avec ses voisins, كل شيء يتذكر فيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Justement, il retrouve la vie du prophète صلى الله عليه وسلم. فبه يقتدي. Donc, il faut qu'il prenne le prophète صلى الله عليه وسلم comme exemple. وإليه ينتمي. Et vers lui, il doit donc s'affilier. صلى الله عليه وسلم. Et il le suit صلى الله عليه وسلم. هذا هو حب الصادق. Voici donc l'amour véridique du prophète صلى الله عليه وسلم. وليس ليلة. Et donc Layla, ce n'est pas Layla. يحتفل فيها ويطبخ ويأكل ويشرب. On fait une fête, on mange, on boit. إنما الاتباع الصادق. Mais le vrai suivi véridique, c'est toute ta vie. إلى أن تموت. Jusqu'à ta mort. وأنت في كل شيء على السنة. Et donc tu pratiques la sunna dans toutes choses. وتتحرى الدليل. Et tu recherches la preuve. ولذلك كان يقول حسن البصري. حسن البصري دي. هو أحد علماء المسلمين. Donc c'est un grand savant parmi les savants d'Islam. Si seulement maintenant tu devais donc te gratter la tête, ce serait aussi avec la preuve. Tellement il aime donc le suivi du prophète. Voici donc le vrai suivi. Mais ce n'est pas par le fait donc de taper sur les, on va dire le tambour, hein, le tambourin. Ou bien prétendre que tu aimes le prophète. وهزيج وغناء. par les chansons et par autres. والأشد من ذلك. Et pire que cela. الذين يقولون. Ceux qui disent. رسول الله يأتينا. Que le prophète صلى الله عليه وسلم nous vient. ويجلس معنا. Et il s'assied avec nous. اليوم سلم علينا ذهب. Ce jour-là il est venu nous saluer puis il est parti. منذ مات. Depuis qu'il est mort. ما رآه أبو بكر. Abu Bakr n'a jamais vu. ما رآه عمر. Ni Omar. ما رآه الصحابة. Ni les compagnons. أنتم خير من الصحابة. Vous êtes meilleurs que les compagnons. ترونه. Vous le voyez en plus donc vivant réveillé. Je jure par Allah que vous êtes des menteurs. Vous voyez les shayatines. Vous n'êtes pas meilleur que les compagnons du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Allah c'est lui qui dit qu'il nous a donc prévenu qu'il est mort. Comment il vient donc vivant vous voir? بعث الله بالنذارة للشرك وبالدعوة إلى التوحيد والدليل قول تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك ورجز فهجر رجز يعني الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها أخذ على هذه عشر سنين يدعو إلى التوحيد بعد العشر عرج به إلى السماء وفردت عليه الصلوات الخمس. Allah l'a envoyé pour prévenir du polythéisme et appeler au monothéisme. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur s'élève la grandeur. Et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi, et ne donne pas le but, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Et pour ton Seigneur endure le sens du verset, lève-toi et avertis, c'est prévenir du polythéisme et appeler au monothéisme. Et celui de ton Seigneur célèbre la grandeur, c'est célébrer sa grandeur par son unicité. Quant à tes vêtements purifiés, cela signifie purifie tes actes de toute forme de polythéisme. Et de tout péché écarte-toi, le péché des initiés, les statues. S'écarter d'elles, c'est les délaisser, se désolidariser d'elles et de leurs adeptes. Il prêcha ainsi le monothéisme pendant 10 ans. Après la 10e année, il fut élevé au ciel. Et c'est alors que les 5 prières quotidiennes furent prescrites. هذا هو دينه. Voici donc ta religion. وتفصيل هذا ذكرناه. Et le détail de cela on l'a vu auparavant. ولكنه في خاتمة رسالته يؤكد على ذلك. Et Sheikh donc à la fin de son livre il termine, il assiste sur cela. فهو بالنذارة. Donc par le fait d'avertir. أرسل نبه وأرسل. Donc il a été envoyé pour ça. نبه يعني أول ما أتاه النبأ وهو النبي. Donc il est devenu nabi par le fait. Par ici, donc par le fait de بسم ربك الذي خلق. Lit par le nom de ton Seigneur qui a créé. فهو يقول ما أنا بقارئ. Il a dit je ne suis pas un lecteur. ليس معنى ما أنا بقارئ أي لا أقرأ. Ça ne veut pas dire que je ne lis pas. أي أنا لا أعرف القراءة والكتابة أنا أمي. C'est-à-dire que je suis donc illettré, je ne sais ni lire ni écrire. فجبريل يقول اقرأ. Et Jibril عليه السلام l'a dit lis. وهو يقول أنا ما أنا بقارئ يعني. Il a dit je ne لا أعرف القراءة. Je ne sais pas lire. ما أعرف القراءة لما تعلم. هو نبي أمي صلى الله عليه وسلم. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. Il lui a dit donc lis par le nom de toi. فهو هنا نبئ بهذه الصورة. Donc il est devenu nabi par cette sourate. وأرسل بالمدثر. Il a été donc envoyé ici. يا أيها المدثر قم فأنذر. المدثر. Ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. أي عليك أن تبلغ الناس دين الله. Donc il faut que tu avertisses les gens, que tu enseignes aux gens donc la religion d'Allah. وهنا أرسل. Et là il a été donc envoyé. فهو رسول. Donc c'est un rasoul. وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. Le sceau des envoyés. وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. Il pria alors à la Mecque durant trois ans. Puis on lui ordonna d'émigrer vers Médine. La hijra consiste à délaisser une terre de polythéisme pour se rendre vers une terre d'islam. هذا هو دينه انتقل صلى الله عليه وسلم ونصره الله وانتشر الدين وتوقفت الهجرة من مكة إلى المدينة وأصبحت مكة بلاد إسلام. قال والهجرة هي الانتقال من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. ها؟ صحيح؟ إذا نرجع. نعم. Donc la hijra Donc il a dit, Cheikh, donc la hijra, c'est le fait donc, d'immigrer à partir d'une terre d'islam vers une terre de kufr. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Ah, Moussa. Ah? Donc, on revient. On retourne. Donc, retournez chez vous. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقالوا تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا فناداهم الله باسم الإيمان. Donc la preuve, donc délaisser une terre de polythéisme pour une terre d'islam est une obligation pour cette communauté et le restera jusqu'à l'avènement de l'heure. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Les anges enlèveront leur âme en disant, dans quelle situation étiez-vous? Nous étions impuissants sur terre, diront-ils, alors que les anges diront, la terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont la destination est l'enfer. Et quelle mauvaise destination! À l'exception des faits parmi les hommes, les femmes et les enfants incapables de voyager, en ne trouvant aucun moyen. À cela, il se peut qu'Allah pardonne et Allah est clément et pardonneur. Allah dit aussi, ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Al-Barawi rahmallah dit, la raison pour laquelle ce verset a été révélé est que certains musulmans sont restés à la Mecque sans émigrer. Allah les a tous d'eux-mêmes considérés croyants. Donc, c'est l'exception pour ceux qui ne peuvent pas donc, émigrer, en espérant qu'Allah donc, leur pardonneront. Mais ceux qui font partie de cette exception, il n'a pas d'excuse pour lui. Qu'il s'empresse. Qu'il s'empresse donc de voyager, de partir. Wa dalilu ala al-hijrati min as-sunna qawlu sallallahu alayhi wa sallam la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'u at-tawba wa la tanqati'u at-tawbatu hatta تطلع الشمس من مغربها. Donc, si la preuve tirée de la sunna concernant la hijra et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la hijra ne cessera pas tant que le repartir sera accepté. Et le repartir sera accepté tant que le soleil ne se sera pas levé de l'Occident. فَلَمَّا اسْتَقَرَّ فِي الْمَدِينَةِ وَلَا الرقمين طيب واخر فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'installa à Médine, on lui ordonna d'accomplir les autres pratiques cultuelles de l'islam, comme la zakat, le jeûne, le pèlerinage, le djihad, l'appel à la prière, l'injonction du bien, la réprobation du mal et les autres pratiques culturelles islamiques. Il vécut ainsi 10 ans, puis éteignit, sallallahu alayhi wa sallam, mais sa religion a perduré, voilà l'islam, sa religion. هذا بالنسبة لما يتعلق ببعض التفصيلات في كثير من شرائع الأمور الدينية. Voici ici ce qui a trait à certains détails de beaucoup de choses de la religion. فأمورها التفصيلية. Donc les détails de cela. ذكرناها. On a vu déjà auparavant. فيما يتعلق في الأمور التي مرت معنا. Donc dans ce qu'on a vu auparavant, on en a déjà parlé. أي على هذا استقر دينه. Donc à partir de cela, sa religion est donc استقرار الدين. Donc la religion s'établit. وجب الاستقرار. Oui. وجب شيخنا معي جمع كبير نريد منك كلمة. نحن في مسجد السنة في روبي بشمال فرنسا. طيب الآن نتصل بك إن شاء الله. اتصل على الآخر. كمان. تعال كمان. هذه مفاجأة. C'est une surprise. C'est énorme. Donc vous allez entendre. Qui a un chargeur iPhone? احتياطي تمبري لا ينفع لا ينفع هناك باتري احتياطي هكذا يكفي ما عندكم تقنية السلام عليكم ورحمة الله ألو هاتفك لا يتصل والله اني ساتصل بهاتفك احد منكم معاه رقم مفتوح من طيب خليني اجرب السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي المدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتفضل مشكورا مأجورا وقد ختمنا في هذا اليوم العلمي شرح الأصول الثلاثة لمسجد السنة في روبي بشمال فرنسا فليتفضل مأجورا مشكورا ما شاء الله تبارك الله السلام عليكم ورحمة الله آله وصحبه أجمعين أما بعد فنسأل الله تبارك وتعالى أن ننال وأن تنالوا في هذا المسجد وفي هذا المكان الطيب الطاهر ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم في من عنده. وإن دراسة هذه المتون العظيمة هي محققة لهذا الهدف، لأنها تتعلق بأصل الأصول وبتحقيق التوحيد وبمعرفة أشرف العلوم وأدلها على الإطلاق، ألا وهو ما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فإن هذا العمل الجليل من التركيز على هذا الأمر، أعني هذا التأسيس العظيم من توحيد الله تبارك وتعالى والجد والاجتهاد في كل ما من شأنه أن يصفيه ويقدسه وينقيه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لهو خير عمل يقدم في هذه الأيام الطيبة، في هذه الأيام العظيمة التي أحوج ما يكون فيها الناس إلى تحقيق التوحيد وإلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. تجتمع الصفوف على ذلك وتلتئم على ذلك وتعتصم بحبل الله المتين والصراط المستقيم تبتغين الأجر من الله تبارك وتعالى. إن هذا هو طريق النجاة وطريق الفوز والفلاح، طريق مرضاة رب العالمين وطريق السالكين إلى بر النجاة. ومن أراد النجاة فليؤسس دعوته على توحيد الله جل وعلا وليقيم دعوته على هذا الأمر إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فإن أية دعوة تنطلق من هذا المنطلق مهما زركشها أصحابها وزينها أخطافها ودعت إليها أحزابها وتكتل حولها أصحابها، مصيرها إلى الفشل الذريع نظرا لكونها لم تقم على هذا الأساس المتين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شرف على شفا جوف نار كانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا والجد والاجتهاد في هذا الأمر والعرض عليه بالنوادر ومواصلة الجهود إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. إن هذه الجهود التي يقوم بها أخي محمد رمضان الهاجي وفقه الله تعالى في تلك البلاد فهي جهود نسأل الله تبارك وتعالى أن تؤتي ثمارها وأن تسهم في رأب الصدع بين الإخوة واجتماع كلمتهم على الحق والتعاون على البر والتقوى إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. إن هذا هو الطريق الصحيح لاجتماع الكلمة، ولا يمكن أن تقوم الكلمة أو أن تجتمع الكلمة على غير توحيد الله تبارك وتعالى والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه وبر كل غالب أقواله وأفعاله وتقريراته، وأن نثبت على ذلك، وأن لا نلتفت إلى من يريد أن يفرق جمعنا أو يشتت شملنا تحت أي ذريعة من الذرائع وتحت أي شعار من الشعارات الوهمية الزائفة التي يرددها أصحابها، وهي لا تعد أن تكون سرابا يحسبه الظمآن ماء، لا يعد أن يكون سرابا بديعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إن دراسة المتون الشرعية ولا سيما في توحيد الله والسنة النبوية هو أفضل طريق تجتمع عليه الكلمة ويهلك من هلك عن بينه. علينا ان نتمسك بهذا الامر وان نعتصم بحبل الله جميعا وان نبتعد عن الفرقه. والارواح جنود مجنده، فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اتلف. الارواح جنود مجنده، فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف. اسال الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا على هذا المنهج القويم إلى يوم أن نلقاه، وأن يحشرنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، إنه بنا رؤوف رحيم. صلوات الله وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذه الكلمات وهذه الوصايا وهذه النصايح، وأبناؤكم هنا يبلغونكم السلام. عليكم السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته. ويشكرون لك هذه المشاركة في ختام فعاليات هذا البرنامج العلمي الذي أقمناه في مسجد السنة بروبي، فالجمع ما شاء الله تبارك الله من كل نواحي المناطق، أتوا من بعض الدول أيضا. وفقك الله شيخ، اللهم زد وبارك في هذه الجهود واجعلها خالصا لوجهه صوابا على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم، وأرجو من أخي التكرم بالاتصال عاجلا متى ما فرغتم إن شاء الله بعد قليل. السلام عليكم. إن شاء الله حبيبتي الله بعد الصلاة إن شاء الله. شكرا لصاحب الفضيلة وجزاه الله خيرا على هذه الكلمات النيرة الطيبة المباركة، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى. انتهى الهاتف منتهي ويتصل، سبحان الله. على كل هناك ترجمة مختصرة لكلمة الشيخ يتفضل بها أخونا الموفق جزاه الله خير عمار، فهو نشيد ونشهد له بخير جزاه الله خير. طيب، donc là on a une parole de savant, du noble savant Cheikh Saleh ibn Salih Suhaimi Abdullah Zawjal, donc professeur à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a commencé, donc ça sera une traduction succincte pour demander à Allah Azzawajal de nous bénir et aussi de recevoir la promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit qu'à chaque fois qu'un peuple se réunit dans une maison parmi les maisons d'Allah Azzawajal et qu'ils apprennent la parole d'Allah Azzawajal, donc Allah les mentionne, c'est-à-dire auprès de lui, il les mentionne, donc il mentionne ce groupe ou cette assise auprès de ceux qui sont auprès de lui. Et aussi, donc le Cheikh insiste pour montrer les bases, et que les bases de la religion, c'est de concrétiser le tawhid. Et l'unicité et le tawhid, c'est justement la science la plus noble, et c'est la science la plus importante, sans exception. Il a sûrement mentionné ici donc, les trois types d'unicité qu'on a vu déjà auparavant, et il dit que cela, en vérité, donc, c'est une grande œuvre. De concrétiser cela, c'est une grande œuvre de concrétiser cela, car le fait de se baser, de bâtir sa religion sur l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, donc il faut le faire aussi donc avec force et dévotion. Il faut le faire avec force et dévotion. Et Shir nous demande aussi donc de glorifier et de grandifier en vérité ce tawhid et de le considérer comme très important en le protégeant contre ceux qui amènent de l'associationnisme, ainsi que donc les bidards, donc les innovations et les péchés. Et la personne a énormément besoin de cela. La chose la plus, dont on a le plus besoin, c'est justement donc, cette unicité. Cette unicité, c'est comme ça qu'on aura, et c'est pour ça qu'après il a mentionné ici, donc le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous demande et nous conseille aussi de nous accrocher tous ensemble à la anse d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est la anse la plus solide, et aussi de suivre la voie de ceux qui seront sauvés, de suivre la voie de ceux qui seront sauvés, ainsi que celle de la réussite. Et c'est donc la voie de ceux qui prennent cette voie, donc seront sauvés. C'est-à-dire ceux qui vont suivre, donc c'est une unicité. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah Azza wa Jal avec cette unicité. Les ulama ont expliqué tout cela, les ulama ont mentionné cela. Et Shir après nous demande de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, il demande de craindre Allah Azza wa Jal et toujours de faire beaucoup d'efforts dans la religion, toujours en insistant dans le domaine de Tawhid jusqu'à ce qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Et après donc, il remercie grandement Shir Mohammed ibn Ramzan al-Hajri, Hafzallah, qui est venu donc d'Arabie Saoudite et qui traverse tous ces pays d'Europe pour nous enseigner la religion d'Allah Azza wa Jal et les efforts qu'il fait. Et aussi, il demande aussi de rassembler, qu'on se rassemble face ou envers la parole de vérité, la parole de vérité. Il nous recommande aussi la piété et la crainte, le fait de l'obéissance à la crainte, jusqu'à ce qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala par la vraie voie, celle qui est bien sûr par l'unicité, et de prêcher d'appeler à cette unicité, de patienter sur ce que l'on va recevoir face à cette da'wah, et de suivre la voie, donc la voie droite, et de suivre la voie droite, et de la prendre comme chemin, de ne pas de dévier de ce chemin. Alors ce chemin de la voie droite, c'est justement celle de la réussite. Donc il insiste toujours sur le fait de rassembler les cœurs. Il dit que le bien, la bénédiction, le bonheur, la quiétude, tout cela sera retrouvé dans le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que les innovations et le fait de s'éloigner des sunnas, donc c'est un grand mal. Donc suivez donc fermement ces sunnas et ne regardez pas et ne vous détournez pas vers celui qui cherche à diviser vos paroles et qui cherche à diviser donc les musulmans. Et il demande aussi d'apprendre donc les sciences religieuses, tout en commençant bien sûr par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous demande aussi donc de s'accrocher à l'anse d'Allah tous ensemble et de ne pas nous divier par rapport à cela. Il a montré donc que les cœurs sont des âmes qui bougent un peu partout, et celles qui se reconnaissent, elles s'unissent, et celles qui ne se reconnaissent pas, donc elles se divisent. Donc il a terminé à peu près par cela, Cheikh, donc c'est succinct. Barakallahu fikoum. Donc nous milou, grâce à ton consul. La khaira illa dallal ummata alayhi, wa la sharra illa hadharaha minhu, wa al khairu alladhi dallaha alayhi al tawhid, wa jami'u ma yuhibhu Allah wa yardahu, wa al sharru alladhi hadharaha minhu al shirk, wa jami'u ma yakrahu Allah wa yabah. Il n'existe aucun acte de bien sans qu'il n'ait montré. Sans qu'il ne les montre à la communauté, ni aucun mal dont il ne l'ait prévenu. Le bien qu'il lui a indiqué et le monotéisme et tout ce qu'Allah aime et agrée. Le mal dont il a prévenu et le politisme et tout ce que Allah déteste et recuse. Et récuse. Ba'athallahu ila nasi kafir. Tout bien a été montré. Pour le sahabi, ma mun ta'ir yatiru fi sama illa wa atana minhu khabar. Donc la parole du compagnon que même. Chaque oiseau vole dans les cieux. Donc une annonce nous est venue par rapport à cela. Alhamdulillah, ma baqi shay. Donc il ne reste rien, alhamdulillah. Kul shay akhbara bihi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné toute chose. Non. Ba'atha Allahu ila an-nasi kaffa wa aftarada ta'atahu ala jami' al-thaqalain al-jinn wal-ins wa dalil qawlu ta'ala qul ya ahib يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Donc Allah l'a envoyé à toute l'humanité et a imposé aux deux pesants, djinn et homme, de lui obéir. La preuve, à ce sujet réside dans la parole d'Allah, dit aux hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Par son billet, Allah a parachevé la religion. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. La preuve de sa mort est la parole d'Allah. En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Après leur mort, les gens seront ressuscités. بعثه الله تبارك وتعالى إلى جميع الناس. الله نعوذ بك pour tout le monde. واجب على الجميع أن يؤمنوا به. Donc il est obligatoire pour tout le monde de croire en lui. جميع ذرية آدم. Donc tous les fils d'Adam. الموجودة الآن عليها أن تؤمن به بعد ما بعث. Ils sont donc maintenant vivants, donc ils doivent tous croire. كذلك الجن. Ainsi que les djinn. مكلفين. Donc ils ont aussi donc. وهم مبعوث لهم أجمعين. Donc ils doivent aussi donc obéir à ses ordres. والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قول تعالى منها خلقناكم وفيها تعيدون نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقول تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, c'est d'elle la terre que nous vous avons créée. Et c'est en elle que nous vous ferons retourner. Et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore, ainsi que dans sa parole. Et c'est Allah qui, de la terre, vous a fait croître comme des plantes. Puis il vous y fera retourner et vous en fera donc sortir véritablement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Donc comme Allah l'a dit, donc certes tu es mort, certes tu meurs. Donc ici il y a, donc il faut prêter attention par rapport à la résurrection. Donc Allah donc, va les faire ressusciter de cette terre. Après donc le ba'th, donc la résurrection. Wa ba'd al-ba'th, muhasaboun. ومزيئون ومزيئون وبعد البحث محاسبون ومزيئون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Après la résurrection, les gens seront jugés, rétribués pour leurs actes. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, afin qu'ils rétribuent ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent. Récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَحْثِ كَفَى وَالدَّلِيلُ قَوْلُ تَعَالَى زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Et quiconque renie la résurrection devient mécréant. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dit Messie, par mon Seigneur, vous serez très certes ressuscité, puis vous serez informé de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُ تَعَالَى رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Allah a envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah. Le premier d'entre eux est Noé, et le dernier est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La preuve indiquant que Noé alayhi wa sallam est le premier des messagers et la parole d'Allah, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Le fait qu'il y a après lui, donc c'est une preuve que le premier est Noé d'entre eux. Donc on a vu ces sujets-là par rapport aux explications. كل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc la preuve. Donc Allah a envoyé un messager à chaque communauté, puis Noé jusqu'à Mohammed, qui leur ordonne d'adorer Allah exclusivement et leur interdit d'adorer le Tarout. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout. » وما تجاوز به الحد يعني من الطغيان لما طغى الماء يعني زاد الطواغيت c'est ceux qui dépassent donc les limites parce qu'on dit que l'eau est en ébullition donc il s'élève فيكون فيهم الغلو donc elle augmente et elle s'élève ولذلك سمي ارتفاع الاسعار lorsque les prix augmentent عن حدها الطبيعي par rapport au prix habituel اذا ارتفعت Donc le prix, lorsque les prix augmentent, ils disent, donc les prix ont augmenté, ils sont devenus plus chers. Et l'eau, lorsqu'elle est en, par la chaleur, elle est en ébullition, donc on dit, elle est en ébullition. Donc le roulou et le tourian, c'est en vérité une augmentation. Par rapport à la chose habituelle. فالطاغوت ما تجاوز به الحد من معبود أو متبوع أو مطاع. يعني غلو فيه زاد. Donc le tarout c'est lorsque la personne a donc exagéré, c'est-à-dire la personne a dépassé les limites من معبود. Donc par rapport à l'adorer. Donc Ibn Qayyim rahimahullah il dit معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. Donc Ibn Qayyim rahimahullah dit le tarout est tout ce par le biais duquel le serviteur outrepasse ses limites, qu'il s'agisse d'un être adoré, suivi ou obéi. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. Donc les tawarit sont au nombre de cinq, sont nombreux, mais leurs meneurs sont au nombre de cinq. Iblis, qu'Allah le maudisse, celui qui est satisfait de l'adoration que l'on lui voue. Et celui qui appelle les gens à lui vouer une adoration. Et celui qui prétend connaître une partie de la science de l'inconnaissable, et celui qui juge par autre de ce qu'Allah a révélé. Iblis, donc il appelle les gens à lui vouer. Ainsi que ceux qui adorent. Acceptent qu'on les adore. ومن ادعى علم الغيب ومن حكم بغير ما انزل الله. Celui qui dit qu'il connaît la connaissance et celui qui juge par autre qu'Allah. هذه كلها طواغيت. Donc tout cela sont les tawarit. ومسألة الحكم بغير ما انزل الله مسألة تفصيلية. Tandis que le sujet de fait de celui qui juge par autre que Allah révélé. يرى أن هذا حكم أفضل أو مساوي أو تبع حكم الله هذا كفر. Il y a donc ici des détails. Donc celui qui considère que ce qu'il fait est meilleur, ou bien celui qui considère que ce qu'il fait est égal à ce qu'Allah a décidé, donc en ce moment il rentre dans les tawarit. Et autre que cela, donc c'est un kufr qui est en deçà du kufr. وفي الحديث راس الامر الاسلام راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سلامه الجهاد في سبيل الله والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué du légarement. Donc quiconque renie le tarout tandis qu'il croit en Allah saisit-en sa plus solide qui ne peut se briser. Et c'est bien là le sens de l'attestation de foi, la ilaha illallah. On trouve ces propos dans le hadith suivant. La chose la plus capitale est l'islam, son pilier est la prière, et son degré le plus élevé est le combat dans le sentier d'Allah. Allah est le plus savant. Donc celui qui veut donc la rance la plus solide, qui s'accroche donc à la bonne parole, il n'y a pas. Donc de contraindre contre ta religion. Ne contraint pas les gens à la religion. Montre la religion de la meilleure façon. La vérité de la meilleure façon. Celui qui suit se sera sauvé. Celui qui est qui s'est égaré, donc tu n'es pas responsable de lui. Donc, la chose la plus capitale de cela est l'islam. Donc, les choses les plus importantes, c'est justement de se soumettre, d'être dévot et de se désavouer. تستسلم بالتوحيد وتنقاد لأمر الله وتتبرع من الشرك واحد هذا تعريف الإسلام et tu vas aussi donc te dévouer face à donc à ce qui t'ordonne et aussi donc tu vas être te désavouer الصلاة donc du shirk et de ses adeptes هذه الخيمة يكون عمودها الصلاة فإذا لم يكن فيها عمود تسقط ولا ما تسقط donc le prier la prière le pilier et la prière. S'il n'y a pas de prier, le pilier, donc, ça tombe. Donc, fais attention de ne pas faire tomber le pilier de ton islam. Attention à ne pas faire tomber le pilier de ton islam. Donc, je te préviens auprès d'Allah de ne pas, justement, donc, délaisser le jihad fi sabilillah. Et son degré le plus élevé, le combat fi sabilillah. Et le jihad, donc, a ses règles et ses conditions. قال والله أعلم وصلى الله على محمد. الله le tout savant, qu'Allah couvre les deux. على آله وصحبه وسلم. Ainsi que sa famille, ses compagnons. ونقول كذلك صلى الله على محمد. Nous disons aussi donc صلى الله على محمد. الحمد لله أن يسر الله لنا وختمنا الأصول الثلاثة. Louange à Allah ce qui nous a permis une facilité de terminer, de conclure les trois bases. بدأها المؤلف ببيان أحكام الأربعة أمور. Donc l'auteur a montré. A débuté par le fait de montrer quatre points. Puis après, il a montré trois sujets. Et après, il a parlé des trois bases. Par la connaissance d'Allah. Avec preuve. En montrant le tawhid ainsi que ses caractéristiques. Ses catégories. Il a montré aussi qu'est-ce que l'adoration ainsi que ses types. C'est preuve. Il a montré l'islam. Ainsi que sa définition. Ses piliers. Les piliers de la foi. Ainsi que la bonté. Il a montré les preuves en cela. Et il a parlé aussi du hadith de Jibril qui est long. Et il a terminé avec la troisième base. C'est le fait de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En montrant donc qui il est sa vie. Et comment il est venu là où il est parti. Donc, son prêche. ثم تكلم عن بعض الأحكام العامة في الدين والهجرة. Il a parlé donc de certains sujets généraux de la religion et de la hijra. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. Il a terminé avec سنامة الجهاد في سبيل الله. Il a terminé le hadith comme quoi la chose la capitale est l'islam. وبالله et la prière. وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. وإني أشكر. Je remercie. Merci. للإخوة القائمين على مسجد السنة. Donc ceux qui sont responsables de cette mosquée, la mosquée Sunna. ونشكر أيضا جيران المسجد تحملونا هذا اليوم. Ainsi que les voisins qui nous ont supporté ce jour. وأيضا للجميع. Et tout le monde. نشكرهم. Donc je remercie tout le monde. الذين أتوا من أماكن بعيدة. Ceux qui sont venus de loin. فأرى في وجوه بعض الأخوة من أتى من هولندا. Donc on voit dans certains visages. Donc des Hollandais, des Belges, des Allemands. ومن نواحي من فرنسا. Donc de toutes parts en France. بعضهم سبق أن زرناه في الأيام الماضية. Et certains donc on les a déjà vus auparavant. مرحبا بالجميع. On les a visités auparavant. Et bienvenue à tout le monde. ونشكر شيخنا الشيخ صالح السحيمي على مشاركته. Et on remercie donc le concours de Cheikh Salah Al-Suhaimi. ونشكر أيضا أخونا عمار على ترجمته جزاه الله خير. فدائما نشكره شيخ. ونشكر الأخ كمال أيضا على تكريمه لهذه الزيارة. وللجميع مني الشكر والتقدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شكرا لكم جميعا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بودي بودي أسلم عليكم كلكم. بودي أسلم عليكم كلكم. Saluer tout le monde un par un. Wa anak. Et qu'il fasse la couleur à tout le monde. ولكن إن عذرتوني طيب. Donc si vous nous pardonnez, c'est bien. كذلك طيب إذن سلام عليكم. وبالختام نحن نشكرك بارك الشيخ محمد بن معاذ الهاجري على إحسانه وعلى فضله يعني من علينا وجزاه الله خيرا إن شاء الله. صلى الله